Bobby. Issu du recueil de nouvelles Immersion dans un cerveau malade, écrit par K. Niais, candide, maladroit, hébété, lent d'esprit, naïf, bête, idiot, vide. Ces adjectifs, Bobby les entendait depuis son enfance. Il les avait tellement entendus qu'à présent, ils faisaient partie de son identité. Bonjour, je suis Bobby, j'ai 25 ans et je suis un imbécile. Cela lui faisait mal. N'y a-t-il rien de plus dégradant que d'être un imbécile? Tout le monde veut être intelligent. Être intelligent, c'est être puissant. Être puissant, c'est ne pas être faible. Et personne ne veut être faible. Bobby avait l'impression qu'il était maudit. Partout autour de lui, il voyait des jeunes hommes de son âge, habiles et avertis. Ils étaient si différents de lui. Eux faisaient des études, dans leurs yeux brillait une malice là où dans les siens il n'y avait que du vide. Juste en les voyant, on pouvait entrevoir un avenir merveilleux. Ils exerceraient un métier honorable, ils séduiraient une femme avec qui ils pourraient fonder une famille, ils vivraient une vie dont ils seraient fiers, une vie emplie de bonheur et de réussite. Être intelligent, c'est être heureux. Et Bobby n'avait pas le droit d'être heureux. Il avait bien essayé de changer, mais cela ne fonctionnait pas. Quoi qu'il fasse, il trouvait toujours le moyen de se tourner en ridicule, démontrant à chaque fois les faiblesses d'un cerveau trop peu vif, trop peu normal. Au moins il était drôle, ah ça! Cependant, il n'était pas un simple clown aux yeux des autres, il était surtout le reflet de leur supériorité. Bobby les rassurait, il les faisait se sentir intelligents, brillants, au-dessus. Et c'est ce qui lui faisait le plus mal. Les autres étaient à l'aise en sa présence. Ils se permettaient des choses qu'ils n'auraient jamais osées avec quelqu'un de plus éveillé. Ils n'étaient pas considérés. C'était le niais inoffensif, le bouffon du roi, celui qu'on utilise à sa guise. Être intelligent, c'est être admiré. Un jour, alors que Bobby se promenait dans le parc, il découvrait quelque chose qui allait changer sa vie. Il adorait se promener. Il aimait la sensation du vent froid sur son visage, l'odeur vivifiante de l'herbe mélangée à celle du bois humide, le spectacle des premiers flocons de neige s'opposant délicatement sur le sol pour disparaître à tout jamais. Bobby était émerveillé par le spectacle que lui offrait la nature, si paisible, si belle et en même temps si effrayante, car si mystérieuse. Mais ce jour-là, la nature renfermait un mystère bien plus tangible, bien plus cruel. Un homme gisait au pied d'un arbre, mort. Sa main rigide tenait sa poitrine si fermement que ses ongles étaient enfoncés dans la chair de son torse. Son visage n'était plus qu'une grimace de douleur, pourtant, Bobby le reconnut. Cela n'avait rien d'étonnant. Ce visage figurait sur tous les journaux, tous les murs, toutes les chaînes de télévision. Et pour cause, cet homme avait permis de grandes avancées en neurologie, avancées qui avaient pour ambition de trouver un remède contre le cancer. Enfin, quelque chose comme cela, Bobby ne s'intéressait pas vraiment aux actualités, il n'aimait pas lire les journaux. Il resta de longues minutes à contempler le corps. Il y avait tout un monde entre Bobby et cet homme. Cet homme était impressionnant, c'était un génie, un héros qui promettait l'impossible, sauver le monde de la maladie. Bobby, quant à lui, n'était que Bobby. Pourtant, là, statue de pierre renversée sur le sol, il le vit comme un simple mortel. Un simple mortel qui avait tout simplement eu énormément de chance. La chance de naître pourvu d'une capacité intellectuelle exceptionnelle. Mais cette capacité ne l'avait pas sauvé de sa condition d'être humain. Cette réflexion mit Bobby dans une colère noire. Certes, son intelligence ne le rendait pas immortel, mais elle lui apportait tant de la reconnaissance, de l'admiration, du respect, du bonheur, la possibilité de faire de grandes choses, de devenir quelqu'un. Tout ce qui était interdit à Bobby, le pauvre petit Bobby, celui que tout le monde dédaignait. Si seulement il avait eu cette chance, si seulement il était né comme cet homme. C'est à ce moment précis qu'une idée lui vint à l'esprit. Si la vie ne lui avait pas offert ce cadeau, alors c'était lui qui allait se servir. Il sortit le couteau suisse qu'il gardait tout le temps dans sa poche et lui prit son cerveau. Arrivé chez lui, il effectua l'échange. Il jeta son ancien cerveau dans un marais à quelques kilomètres de sa maison. La nouvelle arriva très vite dans la presse. Le voleur de cerveau semait la terreur dans le monde entier. Bobby remarqua très vite les effets liés à l'échange. Il cherchait tout le temps à analyser ce qui l'entourait, à comprendre chaque élément, leur fonctionnement, leur nature, leurs causes et leurs conséquences. Autre changement, il lisait sans cesse. Des livres, mais aussi et surtout des journaux. La situation géopolitique de pays dont à l'époque il ignorait jusqu'au nom était devenue primordiale pour lui. Il ne supportait pas d'ignorer ce qu'il se passait dans le monde. Il étudiait la politique, la philosophie et bien évidemment les sciences. Le savoir était comme une drogue et Bobby refusait d'en laisser ne serait-ce qu'un gramme de côté. Parfois, il devenait fou face à l'immensité du savoir. Ignorer était pour lui une souffrance insupportable. Au fur et à mesure qu'il décortiquait le monde, il se rendit compte de quelque chose qu'il n'avait encore jamais réalisé. Le monde était triste, cruellement triste. Le monde allait mal. Des milliards de personnes mouraient de faim chaque année. La guerre s'était immiscée dans la vie de pauvres gens qui ne comprenaient même pas pourquoi elle avait lieu. La pollution détruisait inéluctablement les continents. Les pseudo-défenseurs de l'humanité n'agissaient que pour assouvir leurs névroses égocentriques, sans parler des firmes pharmaceutiques et alimentaires qui empoisonnaient sciemment la population. Et tout cela au nom de quoi ? L'argent. Toujours l'argent. Du papier imprimé. Quelle ironie. À chaque mal de ce monde, Bobby étudiait les tenants et les aboutissants pour finalement se rendre compte qu'il s'agissait, encore une fois, de l'œuvre de l'âme humaine corrompue. Depuis qu'il avait échangé son cerveau, il voyait la violence, l'injustice, l'immoralité, la manipulation, la souffrance. Il aurait tellement préféré rester aveugle. Il avait toujours pensé que c'était l'absence d'intelligence qui le rendait malheureux. Mais ce n'était absolument rien à côté de ce qu'il vivait à présent. Il aurait pu tout simplement arrêter de se tenir au courant, fermer les journaux, boucher ses oreilles, mais cela lui était impossible. Sans savoir, il mourrait. Peu à peu, Bobby se sentit investi d'une mission. Il avait ce pouvoir dans sa tête, et il ne pouvait l'ignorer. Comment continuer de vivre tout en connaissant l'atrocité du monde dans lequel il vivait ? Comment continuer une existence paisible tout en sachant qu'il était l'une des rares personnes à pouvoir changer les choses ? Il se devait d'utiliser son intelligence à bon escient, sinon il serait responsable, coupable d'une sorte de non-assistance à personne en danger. Le chercheur, lui, l'avait compris, et il avait utilisé son pouvoir pour lutter contre la maladie. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mais Bobby était-il prêt à endosser cette responsabilité ? Cela le terrifiait. S'il n'y arrivait pas, tout ceci représentait une telle pression que parfois, il pouvait la sentir physiquement broyer ses épaules. Se mit alors à travailler nuit et jour, ne comptant plus ses heures, se donnant corps et âme pour sa mission. Mais rien. Il ne trouvait rien. À chaque tentative échouée, la culpabilité lui rongeait les entrailles. Pourquoi n'y arrivait-il pas ? Pourquoi, alors qu'il avait toutes les cartes en main, ne parvenait-il pas à trouver, ne serait-ce que l'ébauche d'une solution ? Bobby était épuisé. Il enchaînait les nuits blanches, et lorsqu'il parvenait enfin à dormir, des cauchemars venaient le poursuivre jusque dans son sommeil. Il voyait un enfant affamé lui demander à manger, une femme au milieu d'un champ de mine implorer son aide. Un homme défiguré par la maladie, le suppliant d'alléger ses souffrances. À chaque fois, il leur tournait le dos en riant à pleines dents. Être intelligent est une malédiction. Il était condamné à vivre avec le malheur du monde sur la conscience, malheur qu'il ne pouvait ignorer, malheur qu'il connaissait, malheur qu'il comprenait, mais qu'il était fatalement incapable de résoudre. L'admiration, la possibilité de devenir un grand homme, la célébrité, la reconnaissance, tout cela n'était que du mensonge, une grotesque compensation qui ne représentait absolument rien à côté de tout ce que l'intelligence infligeait à son propriétaire. Un matin, alors qu'il se flagellait en lisant les journaux, il tomba sur une nouvelle qui le bouleversa. On avait retrouvé le cerveau du scientifique, jeté au fond d'un marais. Miraculeusement, celui-ci était resté intact. Juste après son dépôt, le marais s'était glacé, conservant ainsi l'organe durant un laps de temps suffisamment court pour qu'il ne soit pas abîmé. En hommage à ce héros qui avait œuvré toute sa vie contre la maladie, l'organe avait été placé dans un bocal de formol, au musée de neurologie où il avait l'habitude de donner des conférences. Bobby devait récupérer son cerveau. Il ne pouvait plus vivre ainsi, sinon il le savait, il allait devenir fou. Retrouver son ancien cerveau était l'occasion de briser la malédiction, sortir de cet enfer et retrouver enfin la paix. Il se rendit au musée dans la nuit. Il n'eut aucune difficulté à déjouer la sécurité et les caméras. Il avait hacké le système informatique de surveillance et usurpé l'identité d'un des gardiens. Une fois sur place, il ne trouva rien à l'emplacement du bocal. Le cerveau avait disparu. Le lendemain, il était expliqué dans les journaux que le cerveau avait été retourné en Russie chez la famille du chercheur. Celle-ci avait exigé de le récupérer, ne souhaitant pas exhiber les restes de leur regretté aux yeux de tous telle une sordide attraction. Bobby sentit le sol se dérober sous ses pieds. Une souffrance immense lui transperça la poitrine. N'y avait-il donc aucune issue? Serait-il condamné à vivre avec ce poison toute sa vie? Dans ce cas-là, plutôt mourir. Il décida de finir ses jours là où il avait pêché. Il se rendit au parc, une corde dans son sac. Il s'apprêtait à l'attacher à l'arbre au pied duquel il avait autrefois trouvé le scientifique, quand une voix l'interpella. C'était Johnson, un ancien camarade qu'il avait martyrisé à l'école et qu'il croisait de temps en temps au centre-ville. C'était alors l'occasion de colibé en tout genre, en mémoire du « bon vieux temps », comme il disait. « Hey Bobby! Comment ça va, mon Bobby bonnet d'âne préféré? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. T'étais terré chez toi ou quoi? Ah, d'un autre côté, je te comprends, hein. Pas de femme, un boulot de merde. Bon, c'est pas ta faute, hein. T'as jamais été vraiment doué. Tu sais où on est, là? Sur les lieux du crime du voleur de cerveau. Bouh! Je suis venu ici exprès, tu t'en doutes. Sinon, qu'est-ce que je viendrais foutre dans un parc, moi? Ah, non, non. Ça me fait délirer, les histoires gore comme ça. C'est triste quand même, hein. Il allait éradiquer le cancer. C'est là qu'on se dit que la vie aurait mieux fait de prendre un idiot comme toi à la place de ce mec, hein. Le prends pas mal, mon pote, mais tu peux pas nier que c'est vrai. Son rire gras résonna dans tout le parc. À ce moment, Bobby se souvint de la raison pour laquelle il avait volé le cerveau de cet homme. Ce n'était pas le fait d'être idiot qui le rendait malheureux. Peut-être même ne l'avait-il jamais été. Qu'est-ce qu'être intelligent au fond? Devant lui se tenait le garçon le plus stupide qu'il n'ait jamais vu. Non, ne pas être un génie ne rendait pas malheureux Bobby. Au contraire, ceci était la clé du bonheur. Être un imbécile heureux avait absolument tout son sens. Ce qui le rendait malheureux, c'était toutes les moqueries qu'il subissait à longueur de journée, tous ces gens qui le rabaissaient, qui le considéraient comme un moins que rien, uniquement pour se sentir supérieur, comme cette petite merde qui se tenait devant lui. C'était lui qui l'avait poussé à changer. C'était à cause de lui qu'il avait connu l'enfer. Et aujourd'hui, il allait payer. Bobby saisit la corde. Les rires cessèrent, nets. Il sortit pour la deuxième fois son petit couteau suisse. Cette fois-ci, il ne laisserait pas le cerveau dans le marais. Il pensa qu'il aurait pu ne pas tuer Johnson et le laisser vivre avec le cerveau du chercheur. Peut-être aurait-ce été une bien meilleure punition? Non, évidemment non. Pour cela, il aurait dû avoir un semblant d'altruisme. Propriétaire du cerveau, il aurait certainement créé une arme de destruction massive qu'il aurait vendue des millions à des gouvernements assassins. Demain, les journaux sèmeront à nouveau la terreur. Le voleur de cerveau a encore frappé! Mais Bobby n'en saurait rien. Bobby n'aimait pas lire les journaux.